السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله ومرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إلى يوم الدين، أما بعد. طيب، donc la dernière fois, notre livre Bardi del Kulub, on avait pris deux hadiths. Le premier, qui était le hadith d'Abu Huraira, Kullu Amal ibn Adam, Da'af, que les œuvres d'Ibn Adam, elles se décuplent. D'accord? Et en réalité, ce n'est pas tout Ibn Adam, c'est les musulmans, les croyants. Parce que vous savez que parmi les conditions pour que les actes soient acceptés, il faut être musulman, il faut être sincère, et il faut être sur la sunna pour que l'acte soit accepté. Et autre hadith qu'on avait pris, c'est celui d'Abu Huraira, discours dans lequel Allah Azza wa Jalla dit que toute personne qui s'en prend à ses alliés, il lui déclarera la guerre. Et ensuite, le hadith a défini qui étaient les alliés d'Allah Azza wa Jalla, et que les actes préférés pour Allah, c'était les obligations. Et ensuite, par la suite, les obligatoires qui permettent d'obtenir son amour. Encore plus. Non. اليوم نخوص الحديث السابع والثلاثين خمسة من الحديث يقول عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدق أو صدق وبين بورك لهما في بيعهما وإن كذب وكتم أحيقت بركة بيعهما. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que l'acheteur et le vendeur ont encore le choix tant qu'ils ne sont pas séparés après l'acte de vente. Et s'ils sont véridiques et qu'ils ont déclaré clairement dans leur vente, alors il y a une baraka dans leur négoce. Par contre, s'ils mentent ou dissimulent, camouflent, alors cette baraka sera annulée. Là pour l'un comme pour l'autre, pour le vendeur comme pour l'acheteur. Et يقول رحمه الله تعالى هذا الحديث أصل في بيان المعاملات النافعة والمعاملات الضارة وأن فاصل بين النوعين الصدق والبيان. Donc ce hadith est un fondement dans les échanges à avoir, les échanges qui sont profitables, les échanges qui sont nuisibles. Et tout cela se base sur deux choses, sur la véracité et sur la limpidité. Tu es limpide, tu dis les choses clairement, tu déclares et tu es véridique dans ce que tu vends. Tout comme toi, tu es véridique dans ce que tu achètes. Kazalik. Et cela nous démontre que le musulman, quoi qu'il fasse, il est en ibadah et dans l'irtisab. Les choses et les faits en suivant les règles de la religion. Même si c'est un commerçant, il ne vend pas n'importe comment. Même si c'est un client, il n'achète pas n'importe comment. Qu'il n'oublie pas qu'Allah Azzawajal l'a créé pour l'adoration. Donc même dans ces moments-là, regardez, on prend de la récompense en faisant du négoce, sans que cela n'apparaisse. On est en adoration si on se rappelle qu'Allah Azzawajal a établi des règles et qu'on les observe. On met une niya de lui plaire pour obtenir la baraka justement dans nos commerces. Quand la femme s'adakof fi mu'amalatihi wa bayyana jami' ma تتوقف عليه المعاملة من الأوصاف المقصودة ومن العيوب والنقص فهذه معاملة نافعة في العاجل بامتثال أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والسلامة من الإثم وبنزول البركة في معاملته في العاجلة بحصول الثواب والسلامة من العقاب. Donc celui qui est véridique dans son négoce et qui déclare clairement tout ce qui est d'être connu, par exemple comme descriptif dans ce qu'il vend, ou comme défaut, ou comme manque, alors il s'agira là justement d'un négoce qui sera profitable, en cette dunya. Et cela du fait qu'il aura observé l'ordre d'Allah, azawajal, de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Il aura été préservé du péché. Et il aura, comment dirais-je, il aura contribué à augmenter les causes de baraka. Et également, cela lui sera profitable dans l'au-delà, car il aura eu la récompense. Il sera préservé du châtiment, d'avoir menti, d'avoir caché, d'avoir camouflé, d'avoir trompé, d'avoir dissimulé autre. Donc, cela est profitable dans les deux mondes, dans cette dunya, dans l'au-delà. ومن كذب وكتم العيوب وما في المفقود عليه من الصفات فهو مع إثمه ومعاملته محموقة البركة ومتى نزعت البركة من المعاملة خسر صاحبها دنياه وآخرة وأخرى. Par contre, s'il se met à mentir ou à cacher les défauts, par exemple, des choses qui ont besoin d'être connues, parmi les attributs de la marchandise, par exemple, ou de la vente à faire, alors lui, il aura non seulement endossé le péché, mais en plus, il aura annulé la baraka de sa vente, ce qui lui coûtera un déficit en ce bas monde et dans l'au-delà. Quand il n'y a pas de baraka, bah, tu en subis les conséquences, fil dunya ou fil akhira. يقول ويستدل بهذا الأصل على تحريم التدليس وإخفاء العيوب وتحريم الغش والبخش في الموازين والمكاييل والزرع وغيرها فإن من الكذب والكتمان وكذلك تحريم النش والخداع في المعاملات وتلقي الجلب ليبيعها أو يشتري منه. Donc ce hadith par lequel on établit une preuve qu'il est interdit de tricher ou de cacher les défauts, qu'il est interdit de tromper, d'escroquer. Et cela même dans la pesée ou dans les mesures ou autre, tout ce qui amène à un négoce avec les gens. Cela interdit le mensonge ainsi que la dissimulation. Non, toute forme d'arnaque afin de pouvoir vendre sa marchandise ou l'autre afin de pouvoir l'acheter. Parce que les deux peuvent être amenés à mentir ou à tromper. Un, il peut faire croire, par exemple, ouais, j'ai pas d'argent sur moi, est-ce que, alors qu'il y a de l'argent sur lui, juste pour avoir moins cher. D'accord? Et l'autre, pour vendre sa marchandise, il va la décrire telle qu'elle n'est pas. Ou cacher les défauts qu'elle a, parce que il sait que si jamais ses défauts étaient sus, il aurait moins d'espoir de la vendre. Quoi qu'il en soit, rien de tout cela ne doit nous empêcher d'être véridiques et d'être limpides dans nos échanges avec les gens. Toutes ces formes. يقول يدخل في الكذب في مقدار الثمن ومثمن وفي وصف المفقود أو أفن المقعود عليه وغير ذلك. Donc cela implique qu'il ne faille pas mentir ni dans le prix de vente. D'accord? S'il y a un prix de vente qui est établi, c'est pas que tu le changes en fonction des gens pour ton intérêt. Tu peux arranger les gens, par exemple, une marchandise à un certain prix. Par exemple, je ne sais pas, à 50 euros. Il y a quelqu'un qui vient, et tu le connais bien, tu veux l'aider, tu rends le service, qu'est-ce que tu as aidé auparavant, tu lui passes le prix. D'accord? Mais là, ce n'est pas une dissimulation, là, c'est une entraide. Car le prix de base, il est connu, 50 euros. Toi, tu lui fais, par exemple, je ne sais pas moi, à 47 euros, ou tu lui fais à 45 euros. Tu dis, tu viens, khlas, pour toi, Harry, je le fais à temps. Mais le prix de base, c'est vraiment 50 euros. D'accord? Ce n'est pas le prix de la 45 euros, tu lui dis, pour toi, Harry, vas-y. Je vais t'aider, je vais te faire à 52 euros. Alors que le prix là-bas, c'est 45 euros. Là, tu as menti en faisant cela. En faisant croire que tu l'aides, alors que tu ne l'aides pas du tout, en fait. Tu es en train de profiter de lui. Donc là, tu arnaques. Ou pareil, comme on expliquait tout à l'heure, l'exemple de celui qui fait croire qu'il n'a pas les moyens ou je ne sais quoi la situation, il dit oui, il m'a mis tel problème et tel souci, donc s'il te plaît, fais-moi un prix, alors qu'il n'a rien du tout. Juste, il veut payer moins cher. Donc, Kazali qui est en train dans le mensonge. Ou il dira, ouais, j'ai vu la marchandise là-bas à tel prix alors qu'il n'a pas vu. Il a dit, pourquoi tu l'as vu à 50 euros, je l'ai vu là-bas, l'autre il l'a vu à 45 euros. Alors c'est pas vrai. Il ment. Là, c'est qui ment? C'est l'acheteur qui ment. Et il y a plein de situations comme ça. Car tout le monde veut son bénéfice. Le vendeur veut son bénéfice et l'acheteur également veut le sien. Donc ça va amener à mentir, ou à tromper, ou à cacher, et autre. Il y a trop l'eau, il y a ça, il y a bien ou ومشاركات وجميع المعاوضات عاجلها وسوائقها وكلها يتعين على العبد فيها الصدق والبيان لا يحل له الكذب والكتمان. Et cela concerne toute forme de vente et de négoce, également tout ce qui est location et tout ce qui est également association, on va dire, dans les ventes. Des gens qui sont associés dans un commerce ou quoi, tout ça rentre dedans. Il est impératif aux serviteurs de rester véridiques et de rester limpides et clairs. Et ce que l'auteur n'a pas cité, qu'on peut ajouter également, c'est que cela est dans tous les domaines, même en dehors du commerce, qu'il faut être clair, qu'il faut être limpide dans toute chose que ton frère a besoin de connaître ou ta sœur a besoin de connaître, que ce soit le mariage. D'accord? Alors, dans un mariage avec une personne qui n'est pas convenable, on te demande conseil. On avait pris dans les droits du musulman, si elle te demande conseil, alors tu conseilles. Également, et plus important encore dans la darwa, dans le ilm, que des gens ne sont pas fiables, tu ne peux envoyer les gens vers eux. Tu peux faire les recommandations de gens qui ne sont pas fiables. Tout comme tu n'as pas le droit de critiquer des gens qui sont fiables, des gens qui sont sur la sunna, qui sont salafis. Sous prétexte qu'il y aurait eu un conflit entre toi et lui, personnel ou autre, alors tu te mets à le dénigrer et à mettre en garde contre lui injustement. Ce n'est pas permis, ça. C'est pour cela que nous, on insiste beaucoup dans ce domaine-là, qui est ce qu'on appelle le jahl ou tardil, qui est le fait de conseiller la Ummah et de les mettre en garde contre les mauvais prédicateurs, les mauvais prêcheurs, les mauvais savants. Ce n'est pas du riba. Ce n'est pas d'un imam, c'est d'un siha. Et ça, dans ce hadith-là. D'accord? Combien de gens, des fois, nous demandent est-ce qu'on peut prendre un tel ou un tel ou un tel? Si tu me demandes, je vais te répondre. Et même si tu ne me demandes pas, des fois, dans les doulous, ce qui est une occasion, je vais faire un tanbih. Un tel prédicateur a telle erreur, attention à lui. Ou un tel a telle erreur, attention à lui. Un tel n'est pas salafi, attention à lui, même s'il laisse apparaître le contraire. Fais attention à ça, ça rentre dans ce hadith. Si jamais tu caches les choses aux gens, tu vas perdre de la baraka dans ta darwa également. Souvent, on nous pose des questions sur tel et tel prédicateur. Et moi, à partir du moment où je sais que ce prédicateur, même si je dis salafi, et qui met en garde contre nous injustement par rapport à la fitna que vous connaissez, je ne vais pas conseiller les gens d'aller le voir. Pourquoi? Parce qu'ils vont aller l'écouter, après ils vont mettre en garde contre nous injustement, et les gens vont être trompés, ils vont être perdus. Donc je ne peux pas. Et en plus, le fait qu'ils mettent en garde injustement, c'est que lui-même n'a pas vérifié la chose. Il a suivi aveuglément ou avec fanatisme. Donc il y a un problème chez lui également. S'il n'a pas su, qu'il sache, qu'il apprenne et après qu'il agisse en conséquence. Mais s'il a su et qu'il cache aux gens et il met en garde contre des gens de la Sunna injustement, alors c'est une personne, je ne pourrais pas dire aux gens d'aller le voir, même s'il dit ce que vous voulez, il s'en écoute que vous voulez. Dans la sunna, il se réfère au savant de la sunna, d'accord, mais il est injuste envers les salafis, d'accord, parce que touche à la tarot, tu ne peux pas dire aux gens d'aller voir un tel, parce qu'il va te dire en erreur, il va te révolter contre tes frères. Et ça, ce n'est pas acceptable. Donc là-dessus, il faut être minutieux et méticuleux. Non. ويقول وفي هذا الحديث إثبات خيار المجلس في البيع وأن الكل واحد من المتبايعين الخيار بين الإمضاء أو الفسخ ما دام في محل التبايع. Et ce hadith nous montre également que tant que le vendeur et que l'acheteur ne sont pas séparés, il leur est possible de revenir sur leur vente. Par exemple, le vendeur est vendu ta marchandise, tu es encore dans sa boutique. Avant de sortir, il dit non, finalement, je ne te la vends pas. Il a le droit. Ou l'autre, il a acheté la marchandise. Et avant de sortir de la boutique, il dit finalement, je ne la veux plus. Il a le droit. D'accord? Mais à partir du moment où ils sont séparés, l'autre est sorti de la boutique et qu'il n'y a pas rien qui amène à annuler la vente, par exemple, il y a pas, un défaut apparaît. Par exemple, à ce moment-là, tu peux vendre la marchandise. Le vendeur ne savait pas, il t'a vendu une marchandise, il y a un défaut, lui-même ne l'a pas vu. Tu peux revenir lui vendre. Mais s'il n'y a rien qui amène à annuler la vente, quand la vente elle est conclue, alors elle n'est plus. On ne peut plus l'annuler. Sauf si le vendeur de lui-même accepte de l'annuler ou que le client accepte lui-même de rendre l'argent. Ça vient de lui-même. Mais si on lui impose la paroi. D'accord? Souvent, des frères, ils ont conclu des négoces, même par téléphone, par WhatsApp ou quoi. À partir du moment où le négoce était conclu et que la discussion a été close, ça rentre dans le jugement. D'accord? À ce moment-là, on ne peut plus revenir en arrière. L'autre, il dit, ouais, finalement, excuse-moi, je ne peux pas prendre ta voiture parce que non, non, là, ça, on s'est mis d'accord, la voiture, je te l'ai vendue, on s'est mis d'accord pour le prix. Là, ça, maintenant, tu me payes. Chalhan, tu es obligé d'aller jusqu'au bout de la vente. Maintenant, tu sens que ton frère, tu veux l'aider. Tu peux dire, ah, c'est bon, vas-y, on annule la vente, il n'y a pas de problème. D'accord? Par exemple. Là, ça vient de toi-même. Tu veux l'aider, tu ne veux pas lui poser une chose et le mettre dans la gêne. Tu as le droit. Mais c'est mon Chalhan. Il n'a pas le droit de dire, Yahri, khalas, la vente, on l'annule. Il n'a pas le droit. Ni toi, en tant que vendeur, d'annuler. Sans raison, voilà. D'accord? Comme un défaut. Comme un défaut. ou il t'apparaît une chose qui annule la vente, parmi les règles de la vente. D'accord? Ça, c'est une chose qui est importante à connaître. Qu'on s'est mis d'accord et que la chose était limpide, d'accord? À ce moment-là, on s'est séparé, la vente, elle est conclue. Même si la personne n'a pas payé plus tard, la vente, elle est conclue. Ce n'est pas une fois que tu as donné l'argent dans la main ou quoi. Non, c'est une fois qu'on s'est mis d'accord, je te vends, j'achète, c'est réglé. Non. Car beaucoup de frères ont dans le khilaf par rapport à ça. Donc ce hadith, il est bien comme étant un point de retour. Un point de retour. Et si jamais il y a eu un mensonge ou une dissimulation ou autre, vous verrez que l'un des deux en paiera le prix, qu'il n'aura pas de baraka dans la vente. Il se passera des problèmes par rapport à cette vente, malheureusement. Donc chacun connaît Allah Azawajal dans ce qu'il fait comme commerce et qu'il soit clair. Si Allah veut que tu vends ta marchandise, même s'il y a un défaut, dis-le, il y a tel et tel défaut, vaut mieux que tu la vendes moins cher avec une baraka que tu la vendes à un prix élevé et qu'au final, ce prix-là ne servira à rien parce qu'il n'y aura pas de baraka dans la vente. Énorme. Au moins, tu n'auras plus Allah Azawajal et tu auras une baraka même avec un prix à vil prix. Tu auras une baraka dans ta vente. Et en plus, tu auras eu un beau comportement envers ton frère ou envers ta sœur. C'est une ni'ma, ça. Non. Ensuite, on prend le hadith Al-Thamin wa Thalathun, qui est 38e hadith, qui est aussi également en rapport avec le négoce. Yaqul, un Nabi Hurayra, radiallahu anhu, قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصى وعن بيع الغرار. Donc il dit, Abu Huraira, que le Nabi صلى الله عليه وسلم a interdit la vente bil hasa, c'est la vente par le jet de caillou. Ça va venir, Inch'Allah, on va expliquer. Et la vente bil gharar, c'est le fait de vendre une chose qui est inconnue, dont on ne connaît pas le descriptif, dont on ne connaît pas la valeur, dont trop de choses sont ignorées. Non, rapporté par Muslim. يقول هذا كلام جامع لكل غرار والمراد بالغرار المحاضر المخاطرة والجهالة وذلك داخل في الميسر فإن الميسر كما يدخل في المغاربات والرهان إلى رهان سباق الخيل والإبل والسهام فكذلك يدخل في أمور المعاملات. Donc il dit, cela est valable pour toute forme de gharar qui amène à l'heure. D'accord? Comme une chose inconnue. Par exemple, comme dans les jeux de hasard. Les jeux de hasard ou dans les concours. D'accord? Dans les concours où quelqu'un, par exemple, quelqu'un il fait un concours et dit, ouais, si toi et moi, ou les paris, par exemple, voilà, comme les paris également. Des gens, par exemple, deux frères, ils disent, ouais, viens, on fait la course, et le premier qui arrive, il donne tant à l'autre. Ça, c'est pas permis. Ça, c'est pas permis. Et ça va amener une tromperie. Tu sais pas, imagine toi, tu es plus rapide que ton frère, mais tu es tombé. Pas de la marche à pareil, en tombant. En courant, tu es tombé. Et ton frère, il prend l'argent sur toi. Qu'est-ce que ça fait dans ton cœur? Tu sais que tu es plus rapide que lui à la base. Par contre, si c'est quelqu'un, une tierce personne qui dit tous les deux faites la course, celui qui gagne, je donne tant, c'est autre chose. Mais tout ce qui est concours dans lequel c'est toi qui payes le jeu de hasard ou quoi, ça rentre dedans. D'accord? Par exemple, tu achètes une chose, on te dit. Si tu achètes telle lessive, l'une d'entre elles, il y a une surprise dedans. Et le prix, il est monté par rapport à cela. Tu entreras dans, justement, dans ce jugement. Non. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir? Que lorsque tu vois une chose, il faut que la chose soit connue. D'accord? La chose soit connue. Sa valeur, sa quantité, ses descriptifs. Soit connu avec précision. Mathalène, on a vu une forme de vente qui existait sur Amazon, les ventes de colis. Des colis qui ont été invendus. Ils te disent, tiens, on te vend telle palette de colis pour 100 euros. Tout ce qu'il y a dedans. Mais tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Donc, ça, ce genre de vente, elles ne sont pas permises. Car il se peut que la marchandise soit plus que la valeur que tu es payée, au moins. Toi, c'est une valeur, ça, c'est un bien rare. Il y a des frères, souvent, ils rentrent dans ce genre de commerce, car ils disent, ouais, c'est pas cher. Mais est-ce que tu sais qu'est-ce qu'il y a comme marchandise? Non, je ne sais pas. Ben, c'est le genre de vente, elles sont invalides, tu vas pas les faire. Quand tu rentres dans B, elles rôlent. Tu rentres dans la vente d'une chose qui est inconnue. Quelqu'un te dit, voilà, tu vois le sac qu'il y a là? Le sac là? Tout le sac entier là, je te le vends à temps. Il y a quoi dans le sac? Je ne sais pas, vas-y, je te le vends à temps. Il se peut qu'il y ait beaucoup de choses, des choses qui ne servent à rien, des choses utiles, tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce qu'il y a dedans, tu n'achètes pas. Tu peux pas l'acheter, ni comme le frère ne peut pas le vendre, ou la sœur. Ce sont des choses qui ne sont pas légiférées. طيب. Après, il dit, Aubey al-Hassan, Allatiya Mithael, min amsilat al-Ghara. كان يقول ارمي هذه الحصى فعلى اي متاع وقعت عليه فهو عليك بكذا وارميها في الارض فما بلغته فهو لك بكذا. Donc maintenant, bay hassa, c'est quoi la vente par jet de pierre? C'est une vente qui se faisait à l'ancienne. Par exemple, il y avait de la marchandise et il dit, tu vois là tout ce qu'il y a comme marchandise, tu jettes la pierre là où la pierre elle arrive, tu te vends la marchandise par exemple pour tel prix. Quelle que soit la marchandise, qu'elle soit moins de cette valeur ou plus, si la pierre arrive sur telle marchandise, elle est pour toi à tel prix. Par exemple, il y a des marchandises à 100 euros, des marchandises à 20 euros, où tu lances la pierre. Il dit, moi, je te vends la marchandise à 50 euros, celle que la pierre elle atteint. Par exemple, ben, imagine ta pierre, tu lances la pierre elle tombe sur une marchandise qui vaut 30 euros, ben, t'es perdant. Si jamais tu lances la pierre et que ta pierre elle tombe sur une marchandise qui a 200 euros, ben, t'es gagnant. Et ça rentre dans quoi, là? Dans la vente de l'inconnu et du hasard. Donc, tu n'as pas le droit. Je me rappelle à l'époque, je ne sais pas si ça existe encore, à l'époque, quand j'étais pas encore muslim, on allait à la foire du trône. Vous savez, tout ce qui est les parcs d'attractions. Et tu avais comme le truc avec la pince, là. Tu mettais une pièce et tu avais une pince que tu dirigeais, la pince, tu dirigeais la pince dans un lot de cadeaux. Et des fois, ça t'attrapait des petites nounours ou des gadgets, des porte-clés, tu vois. Et bien, ce que tu attrapes, c'est à toi. Si tu arrives à l'attraper, parce que souvent, ça attrapait pas bien. Et bien ça rentre là-dedans. Pourquoi? Parce que de toute façon, tu vas attraper une marchandise qui a moins de valeur, c'est la pièce que tu as mise dans la machine. Ou par exemple, je me rappelle, il y avait cette vente où ils mettaient quoi? Par exemple, tu donnais, je ne sais pas moi, 10 euros, tu tirais une ficelle. Et la ficelle, ce qui sortait comme cadeau, c'était à toi. D'accord? Ben, des fois, tu tirais une ficelle, tu avais des grosses peluches, tu avais des autoradios, tu avais des grosses chaînes Hi-Fi, et tu avais un vieux porte-clés, un vieux truc qui est sans valeur. Ben, toi, tu tires la ficelle, et ce qui sort de la ficelle, c'est à toi. Et bien ça rentre là-dedans. Tu vois, toi, tu es en train de tirer, tu tires comme un fou, tu dis, ouais, machallah, j'ai une grosse peluche. Parce que tu vois qu'il y a tout qui bouge. Tu es en train de tirer, tirer, au final, bam, tu as un petit porte-clés tout ridicule avec une petite banane en latex qui coûte moins cher que ce que tu as payé comme prix. Voilà, tu es dégoûté. Et bien là, tu as un truc que tu as dans ton cœur, tu t'es fait arnaquer. Et bien en islam, ça, c'est interdit. D'accord? C'est interdit, ce genre de vente et ce genre de négoce. Ça, c'est des ventes qui se faisaient à l'ancienne et qui aujourd'hui, elles existent toujours, mais sous différentes formes. Comme vous le savez, par exemple, ce que je vous ai dit. Et peut-être qu'il y en a des nouvelles que je ne connais pas. Hein. Là, je parle de ce que je me rappelle à l'ancienne. D'accord? Ceux qui sont de ma génération, ils doivent savoir de quoi je parle. Ah, ben, les petits nouveaux, je ne sais pas si ça existe encore pour eux. Ça. Mais par exemple, les ventes de palettes, là, dont je vous ai parlé, ça, c'est récent. Je l'ai vu quand j'étais en France, sur Amazon. Je le voyais, ça. Il y a plein de gens qui achetaient avec. Et bien, ça, ce genre de vente, ce n'est pas permis. Non. Et dire à Aubert, Al-Munabaza, Al-Munamasa, par exemple, vendre des choses, par exemple, des gens disent, je te vends ce qu'il y a dans le ventre de ma vache. Là, il y a une vache, par exemple, elle est pleine. Ce qu'il y a dans le ventre de ma vache, je te le vends pourtant. Il ne sait pas ce qu'il y a dedans. Il y a un veau, peut-être, ou peut-être deux. Est-ce qu'il est malade? Il ne sait pas. Il dit, je te vends le veau qui est dans le ventre de ma vache pourtant. Ben, ça, ce n'est pas permis. Pourquoi? Parce que le veau, tu ne sais pas à quoi il ressemble. Tu ne sais pas dans quel état il va sortir. Ou des gens qui vendent, par exemple, les fruits de leur arbre à l'avance. Il dit, tu vois là, mes pommiers, je te vends toute la récolte à l'avance dès maintenant, sur un an pourtant. Tu n'as pas le droit de l'acheter dès maintenant. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas combien de pommes vont sortir. Est-ce qu'elles vont être bonnes? Est-ce qu'elles vont être pourries? Tu ne sais pas comment ça va être. Ce genre de ventes ne sont pas permises. Et aussi, c'est une vente qui se faisait à l'ancienne, qui ressemble à la vente dont j'ai parlé tout à l'heure, là, comme on faisait dans les parcs d'attraction. C'est, ils mettent avant, ils mettaient plein de marchandises étalées, de toutes sortes, marchandises de valeur ou de. Valeur et dit voilà ce que ta main touche, et eh ben je te le vends pourtant. Ce que ta main touche, je te le vends pourtant. Et il va mettre sa main, voilà tout ce qui est sous ta main, c'est à toi pourtant. Et ça se trouve, il aura de la marchandise qui aura moins de valeur que ce qu'il aura mis comme le prix qu'il va payer. Ma salade, non. Donc il dit c'est pour ça que les ulama, ils ont mis comme condition que la marchandise que tu vas acheter, il faut que tu la connaisses. Il faut que le prix soit connu. Ça revient un petit peu au hadith qu'on a dit tout à l'heure. Il dit, Et Et dit, par exemple, lorsqu'il y a un négoce qui se fait, il faut que celui qui vend soit une personne qui ait le droit justement de vendre la marchandise. Ce n'est pas un truc qui ne lui appartient pas. Faut qu'il soit une personne pubère, une personne dotée de raison et une personne réfléchie. Pourquoi? Si jamais tu achètes un enfant, tu peux le tromper l'enfant facilement. Ou tu achètes un enfant, une personne, je sais pas, qui est un petit peu, par exemple, trisomique. C'est sûr que tu vas l'arnaquer. Il va se faire tromper, il ne connaît pas les choses. Encore une personne qui n'a pas de connaissances là-dedans. Ce genre de vente, elles seront annulées, elles seront invalides. Non. Et si tu as plusieurs formes de vente. Certaines qui sont encore de jour, d'actualité, d'autres qui ne le sont plus. Et ce qui est interdit, c'est le riche, l'arnaque, la tromperie. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, man rachada fa laysa minna. D'accord, il a vu un homme qui vendait des fruits. Des tomates, il me semble. Ou non, des fruits. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a commencé. Ce qui était au-dessus, c'était bien beau. Il a mis sa main pour voir ce qui était en dessous. Et il a souci de l'humidité dans la marchandise qui était en dessous. Il a dit, c'est quoi ça, Harry? Il a dit, ça, c'est les fruits qui ont été touchés par la pluie, par la pluie avant-hier ou quoi. Mais lui, il vendait le bac entier. Et il lui a dit, non, il faut que tu les mettes visibles, ces fruits-là. On achète le kilo entier. Les fruits du dessus, ils sont beaux, dans le dessus, ils sont pourris. La dynamique celui qui nous trompe ne fait pas partie de nous. Et ce hadith revient également sur le dans la Tarot, tu as des gens avec une apparence pour être attirante dans la Sunna avec beau discours, te sortent des problèmes de la Sunna connue pour t'attirer. Une fois qu'ils t'ont attiré, hop! Mais il te passe sur disquette la prochaine boîte. La fin, c'est à ton prix. Et elle est pire que ça dans le commerce. Pourquoi? Parce que là, il touche à ta religion. T'as des gens qui font ça aujourd'hui. Tu les vois. Deux choses sur lesquelles personne ne disait pour attirer les gens. Ils nomment personne. Pas de mise en grève, rien du tout. D'accord? Ne pas que des choses qui attirent. Chien, enseignement, chien, ben, ben, ou disent même. Pour te dire, elle est sunna. Bon, j'ai jamais dit le mot salafi par peur de faire fuir les gens. D'accord? Et il te sort que des sujets qui n'amènent aucune divergence. Pourquoi? Comme ça, il amène tous les gens possibles autour de lui. Une fois que ces gens sont dans leur cœur, tu entres dans leur cœur, là, vont commencer à sortir leur poison, faire leurs choses qui sont étranges, comme demander de l'argent injustement. Pour la dawa, pour commencer à